mort par pendaison. Dira que j'avais raison. Je suis sorti pour faire la guerre. J'ai perdu le chemin de la maison. On a côtoyé les enfers, les emmerdes et les années fermes. Si tu ne veux pas que je t'arrache la tête aux médecines, faut que je les enferme. Ils veulent être trop speed, ils veulent m'arrêter. Je suis sous les tropiques, peur de carité. Vulgarité, je suis bon caripé. Le goudron, je les pèse, donc arrêtez. Ils voudraient me voir sur la chaise, jamais le pouvoir ne s'achète. T'inquiète mon frère, y'a des couilles, y'a des armes et des douilles, des bécanes et des cures en vachette. Je suis en direct de Dubaï, poteau, téléphone intraçable. Ne t'inquiète pas, les vrais savent, les faux dans deux ans vont se mettre à ça. Gros, vois la vie tant que tes envies, contrôler ses pulsions et ses envies. Je tourne en ville de bouteilles, j'ai plus peur, fils de pute, fais l'homme, viens m'ôter la vie. Pour des ans, tu me diras que j'avais raison. Je suis sorti pour faire la guerre, j'ai perdu le chemin de la maison. On a côtoyé les enfers, les emmerdes et les années fermes. Si tu veux pas que je t'arrache la tête, tous mes jeans, faut que je les enferme. Est-ce que le temps c'est de l'argent? Est-ce que le temps c'est de l'argent? Tu peux rattraper l'oseille, mais peux-tu rattraper le temps? Est-ce que le temps c'est de l'argent? Est-ce que le temps c'est de l'argent? Est-ce que le temps c'est de l'argent? Est-ce que le temps c'est de l'argent? AK-47 sur la mélodie. AK-47 sur la mélodie. Je la coule douce aux Maldives sur un pilotis. Sur un je leur mets profond. Je leur mets profond, profond, profond, profond. Dans la classe, toujours été au fond. Toujours été au fond, au fond, au fond, au fond. Ces fils de pute, ils nous pètent à la baffe. Y'a des boîtes de peuple bloquées dans la pâte. Tu sais qu'on parle pas, depuis tu en as pas. Je te nique ta mère, conseil de mon papa. Le bif ou papa, les frères à la mort. Je pense à eux, des larmes, j'ai le mort. Des larmes, j'ai le mort. Le bif ou les porcs, face à ces bâtards, je n'ai je aucun remords. Je par des ans. Tu me diras que j'avais raison. Je suis sorti pour faire la guerre. J'ai perdu le chemin de la maison. On a côtoyé les enfers, les emmerdes et les années fermes. Si tu veux pas que je t'arrache la tête, tous mes jeans, faut que je les enferme. Est-ce que le temps c'est de l'argent? Est-ce que le temps c'est de l'argent? Tu peux rattraper l'oseille, mais peux-tu rattraper le temps? Est-ce que le temps c'est de l'argent? Est-ce que le temps c'est de l'argent? Est-ce que le temps c'est de l'argent? Est-ce que le temps c'est de l'argent? Je leur souhaite la mort par pendaison. Tu me diras que j'avais raison. Je suis sorti pour faire la guerre, j'ai perdu le chemin de la maison. On a côtoyé les enfers, les emmerdes et les années fermes. Si tu veux pas que je t'arrache la tête, tous mes jeans, faut que je les enferme. Est-ce que le temps c'est de l'argent? Est-ce que le temps c'est de l'argent? Tu peux rattraper l'oseille, mais peux-tu rattraper le temps? Est-ce que le temps c'est de l'argent? Est-ce que le temps c'est de l'argent? Est-ce que le temps c'est de l'argent? Est-ce que le temps c'est de l'argent? Est-ce que le temps, c'est de l'argent?